du joueur de guitare. De cette manche courteline, jeune dame aux beaux habits, jaillira du bras de l'âme la guitare mandole. Elle jouera souvent pour vous, près des astres de la nuit, la musique de l'amour, celle qui ne fut appris. Pour comprendre, jeune dame, l'imum caelum, et du ciel ainsi nos âmes aimeront à l'infini.